Huitième chapitre, Quimper en 1597, suite. En 1597, Kermoguer était gouverneur de Quimper, et cette ville avait pour évêque Charles du Liscouët, homme aussi distingué par ses talents que par ses vertus. Malgré sa situation pittoresque sur le Ster et l'Aude, Quimper était une ville sombre, fort triste, mal pavée et assez irrégulièrement bâtie, à l'exception de quelques vieux hôtels appartenant à des familles nobles, lesquels hôtels étaient jetés çà et là au milieu des autres édifices, dont ils ne se distinguaient guère que par leur solidité, leurs grandes croisées en pierre et leurs murailles toutes chargées d'écussons et de bas-reliefs. Quant aux autres maisons, elles étaient ce que sont aujourd'hui plusieurs d'entre elles, que l'on peut voir encore dans les rues du Géodet, des gentilshommes et autres vieux quartiers de la ville. Les unes en pierre grisâtre s'élevaient avec leurs pignons aigus en ardoise. D'autres, construites en bois avec leurs poutres en saillie badigeonnée, étaient remarquables par leurs ornements bizarres et par leurs sculptures représentant divers personnages grotesques. En général, elles avaient des croisées de formes tout à fait différentes. Quelques-unes étaient ogivales ou en accolade. D'autres édifices avaient des fenêtres défendues par des grillages en fer et étaient flanqués de tourelles, comme s'ils eussent été des prisons ou de petites forteresses. La plupart des rues étaient extrêmement étroites et il y régnait une obscurité telle qu'en plein midi les passants avaient beaucoup de peine à se reconnaître. Telle était alors la rue de la Tourbie, nommée rue Obscure. La rue Obscure, appelée plus tard rue Royale, a été rebâtie en 1822. Dans d'autres quartiers, cependant, on rencontrait plus de clarté, mais toujours aussi peu de symétrie dans les constructions. Ainsi, à côté d'une maison d'une hauteur excessive de pignons et tout embellie de gothiques balcons, on en voyait une autre basse et semblant menacer ruine, tant elle surplombait sur la rue. Quant aux quais, ils étaient dans un état pitoyable. C'étaient de véritables cloaques, où quelques pierres pointues avaient été jetées çà et là en guise de pavés. Aussi la marche des piétons sur un semblable terrain était-elle à la fois difficile et dangereuse. Quimper n'était guère habité que dans sa partie inférieure. Le haut de la ville n'était occupé que par des vergers ou d'immenses jardins. À la place des élégants vitrages destinés de nos jours à faire briller les marchandises exposées en vente, les marchands d'alors avaient leurs étalages se projetant sur la rue des deux côtés, de sorte que leurs boutiques, disposées ainsi, diminuaient la largeur de la voie publique. On n'y trouvait point, comme maintenant, ces objets luxueux et futiles qui séduisent les yeux du beau sexe et principalement des badauds. Mais on y remarquait des marchandises et des ustensiles de première nécessité, tels que des pièces de drap de diverses couleurs, des chausses, des manteaux et des ouvrages de tapisserie. Puis, sur les étalages extérieurs, c'étaient des toiles de Bretagne, des bottes et des chapeaux de toutes les formes. À la porte des armuriers brillaient des armes magnifiques, des cuirasses, des casques, des épées à manches richement travaillées, des dagues de la plus fine trempe et des rapières fort estimées, fabriquées en Flandre ou en Italie. Malgré l'activité que l'on remarquait dans certaines boutiques et dans quelques rues, cependant il n'était pas difficile de s'apercevoir, à l'expression de tristesse répandue sur les physionomies de la plupart des passants, que la population était malheureuse et qu'elle souffrait bien cruellement. Pourquoi souffrait-elle? C'est que la plus affreuse misère se faisait sentir au-dedans comme au-dehors de la ville, et que la peste jointe à la famine étendait ses ravages dans toute la Cornouaille. Certes, les années précédentes avaient été bien terribles à cause des pluies torrentielles qui avaient ravagé les moissons, mais elle ne pouvait se comparer à la désastreuse année de 1597 où la Bretagne eut à souffrir des calamités de tout genre. Non seulement alors régnait une horrible famine, mais encore un autre fléau désolant les villes et les campagnes portait l'effroi dans le cœur de tous les habitants. Nous voulons parler de la rage et de l'acharnement avec lesquels les loups attaquaient les hommes partout où ils les rencontraient. Jamais les vivres n'avaient été aussi chers que dans cette année-là. La rareté et le prix des denrées causèrent bientôt la disette, car malgré les efforts des autorités du pays et des gens riches, il devint de toute impossibilité de secourir les malheureux dont le nombre augmenta chaque jour. La dévastation et la ruine des propriétés rurales par les gens de guerre furent encore une des causes de ces calamités publiques. Les paysans chassés de leurs fermes ne pouvaient ni travailler ni ensemencer leurs terres. Quand il leur arrivait d'échapper aux soldats de la Fontenelle, ils ne pouvaient se soustraire aux horreurs de la faim. Et alors, dans cette extrémité, ils sortaient du fond des bois pour chercher quelque nourriture. Mais ils avaient beau fouiller les demeures abandonnées qu'ils trouvaient sur leur route, ils n'y découvraient absolument rien, et toutes leurs recherches étaient inutiles. Découragés, épuisés de fatigue et de besoin, ces infortunés se retiraient dans leur sombre retraite, et là, pour essayer de résister à la mort, ils étaient contraints de manger des orties, de l'oseille et toutes sortes d'herbes sauvages qu'ils s'arrachaient avec avidité. Mais bientôt, ces faibles ressources venant à leur manquer, ils tombaient morts et leur corps servait de pâture aux bandes de loups qui rôdaient dans les campagnes. Ces féroces animaux se repurent tellement de chair humaine qu'ils s'y habituèrent et osèrent s'attaquer indistinctement à tout le monde. Les hommes armés n'étaient pas à l'abri de leurs attaques. Quant aux femmes, elles furent obligées de rester enfermées dans les maisons, sans pouvoir vaquer à leurs occupations ordinaires. Enfin, la famine devint si horrible que plusieurs de ces malheureux, mourant de faim, essayèrent de se rassasier avec de la graine de lin. Mais cet aliment, au lieu de relever leurs forces, ne servit qu'à les rendre plus malades et à accroître leurs souffrances. De tous les côtés, on trouvait des cadavres sur les chemins. Tous ces corps extrêmement enflés répandaient une odeur infecte et insupportable. Les misérables qui échappaient à ce mal et qui étaient doués d'une énergie surhumaine tâchaient d'obtenir de quelques-uns de leurs amis des semences. Puis ils se mettaient eux-mêmes à la charrue, ensemençant ce grain dans l'espérance qu'ils en récolteraient quelque chose à la moisson et que Dieu les prendrait en pitié. D'autres, ne possédant aucun instrument aratoire et ne pouvant faire de labourage, incendiaient des champs de genèse et de landes et y faisaient leurs semailles. Ainsi donc, les paysans, réduits aux dernières extrémités, cherchaient tous à pénétrer dans les villes où ils espéraient rencontrer un asile plus sûr que les bois, comptant pour subsister sur la compassion des gens riches et charitables. Voyez pour ces calamités l'histoire de la Ligue en Bretagne.